Chez Visirette, la propreté au cœur du linge pour celles qui vivent au cœur du présent. Les tensioactifs de Visir sont biodégradables en accord avec la loi.